Arrête de me faire le gros, tu es pas méchant. Même les gentils ont interdécalage dans les champs. Tu m'as saoulé, t'es bon qu'à critiquer les gens. J'osais pas te le dire, mais là le sang, t'es sur les ondes. C'est fini pour vous, là je rentre dans la légende. Tu trahirais pour une petite somme alléchante. J'connais des gens, gros, ils visent pas les jambes. Y'avait du shit, un katana dans la chambre. J'passe ma vie à régler les blèmes alors qu'à la base j'en veux pas. On m'a dit Joule, pour toi si j'ai dit non, je veux pas. J'oublie pas ce qu'ils m'ont blessé, remplissé, j'vous aime pas. Si je le veux, tu le sais, j'te t'aime, mais je fais pas. Faut que ces fils de souviennent de mi. Cachir qui rit dans le pain de mi. J'en place une pour les cassos à la barre. Qui vont manger pâte au beurre, hein, ouais là-bas. Quand je reviens c'est le tsunami. Ça devient dur d'avoir des amis. Ça devient dur d'accoter sa vie. Vous m'avez trahi comme chef mamie. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Non mais j'ai pas parlé. J'ai même plus un qui me confie quand ça va pas. Je monte, tu veux me descendre. Gros, tu peux te garer. C'est pas que même mon frangin, tu as la cave. Tu veux du pèse ou des sous. Là, je te sens égaré. Pendant que je pense à m'envoler comme Zapata. Le popette, ça fait du bruit quand je passe sur le jarret. Arrête de me faire le gros, tu es pas méchant. Même les gentils ont interdécalage dans les champs. Tu m'as saoulé, tu es bon qu'à critiquer les gens. Je sais pas te le dire, mais là le senti sur les ondes. C'est fini pour vous, là je rentre dans la légende. Tu trahirais pour une petite somme allégeante. Je connais des gens gros, ils visent pas les hommes. La vie du shit, un katana dans la chambre. Je passe ma vie à régler les blèmes alors qu'à la base j'en veux pas. On m'a dit Joule, pour toi si je dis non, je veux. Dans ma tête ça bouge, j'vais fumer un pet au pic. J'rentre chez moi, j'ai les yeux qui me piquent. Que j'finisse milliardaire serait magnifique. J'fais des tubes à volonté, c'est bénéfique. On dirait que j'te dois des sous. T'es bizarre quand tu me vois. Ou alors j'suis fou. Ouais l'oseille, ça se tue pour l'oseille. Arrête de me faire le gros, tu es pas méchant. Même les gentils ont interdécalage dans les champs. Tu m'as saoulé, tu es bon qu'à critiquer les gens. Je sais pas te le dire, mais là le sang, tu es sur les ondes. C'est fini pour vous, là je rentre dans la légende. Tu trahirais pour une petite somme allégeante. Je connais des gens gros, ils visent pas les hommes. La vie du shit, un katana dans la chambre. Je passe ma vie à régler les blèmes alors qu'à la base j'en veux pas. On m'a dit Joule, pour toi si j'ai dit non, je